La Maison de la Culture Internationale de Pyongyang a abrité le 26 le Salon de Beaux-Arts au sujet de la campagne de relèvement des régions sinistrées de la province du Hamgyong du Nord. Y sont présentées une 70aine de peintures coréennes, peintures à l'huile et broderies des peintres de tout le pays. Ce jour-là, des cadres du secteur de la culture et des arts et des Pyongyangeois ont fait le tour du salon. L'exposition continue jusqu'au 5 janvier de l'an 106 du JT 2017.